Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous. Voici les grands titres du journal parlé en français pour ce 30 août 2017. À l'occasion de la célébration ce 30 août de la journée internationale dédiée aux disparitions forcées, le président du parti Ranak fait remarquer que ces dernières constituent une grave violation des droits de l'homme et sont un indicateur d'un mauvais climat politique. Le test d'entrée en 7e année dans les écoles d'excellence a eu lieu ce mercredi à travers tout le pays. 240 écoliers seulement seront admis dans les 6 écoles que compte le Burundi sur environ 14 000 ayant passé cet examen. Et 6 hommes de la commune Kabarore écopent d'un emprisonnement allant de 2 ans et demi à 5 ans ainsi qu'une amende variant entre 50 000 et 100 000 francs burundais. Ils ont été arrêtés dans la nuit de ce lundi à mardi avec 180 kg de café parche qu'ils allaient vendre au Rwanda. Et les Batois de Mubuga en commune Rugazi de la province Bubanza ont refusé l'exécution d'un procès de litige foncier. C'était ce lundi. Le président du tribunal de résidence de Rugazi rappelle que des cas pareils de rébellion sont sanctionnés par la loi. Et la collecte des dépositions des victimes et des témoins des atrocités des différentes crises que le Burundi a connues ont pris fin ce lundi dans la province de Mwaro. L'activité s'est faite en même temps que l'identification des fosses communes contenant les victimes de ces crises. C'est un reportage à suivre à la fin de cette édition. Ce journal est mis en onde par Jean Dodieu d'Aïsseng. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, ce mercredi a eu lieu la passation du concours d'entrée en 7e année des écoles d'excellence. Selon le président de la commission chargée des préparations de cet examen au niveau national, environ 14 000 écoliers étaient attendus, parmi lesquels, si rien ne change, 240 élèves seront admis dans les 6 écoles d'excellence que compte le Burundi. Reportage de Placide Niyomwongere. Selon le président de cette commission en charge de la préparation de ce concours, à l'intention des élèves de la 6e année, Jovita Ngendakuriyo, cet examen se déroule sur tous les chefs-lieux des 119 communes du Burundi et chaque classe de la 6e année, ajoute-t-il, a 3 candidats qui sont les 3 premiers de la classe, à la différence du concours de l'année passée où un seul élève, le premier, avait le droit à ce concours. Jovita Ngendakuriyo précise aussi que selon leurs prévisions, environ 14 000 écoliers sont attendus sur tous ces centres. Face à cet effectif, seuls 240 élèves seront admis dans les 6 écoles d'excellence que compte le Burundi où chaque salle de classe, si rien ne change de la décision du ministère de l'Éducation, ne dépasse pas un effectif de 30. Ces élèves, selon toujours Jovita Ngendakuriyo, président de cette commission chargée des préparatifs de ce concours d'entrée en 7e d'école d'excellence, les établissements qui abritent ces dernières sont le lycée Musinzira de la province Gitega qui prévoit un accueil à 60, le lycée Musenyi de la province Muyinga qui va également recevoir 60, le lycée Makamba aussi des 10 pays qui ne va pas dépasser 30, le lycée Rusengo de la province Ruyigi également 30, et à mairie de Bujumbura, ces écoles d'excellence étant au lycée Ngagara et Saint-Marc qui vont également accueillir 30 élèves chacun. Pour ce concours, à l'intention de ces candidats à l'école d'excellence, le déplacement et la restauration de ces écoliers étant assurés par les parents, a-t-on appris de la commission. Merci Placide. Le test d'entrée à l'école d'excellence a eu lieu ce mercredi à l'échelle nationale. Je le disais, dans la province de Ngozi, plus de 900 élèves ont passé ce test. Et pour qu'il y ait de la transparence, chaque élève devait présenter son bulletin de la 6e fondamentale. Oban Niyonguru. Deux élèves n'ont pas pu passer ce test parce qu'ils n'avaient pas sur eux leur bulletin au centre de passation de Mubuga en commune Ngozi. Cela, c'est pour éviter les tricheries, indique le Fazim Nouziza, directrice communale de l'enseignement en commune Ngozi. Sur ce centre situé au lycée communal de Mubuga, 210 élèves devraient passer ce test, mais à part les deux qui n'ont pas amené leur bulletin, les autres ne se sont pas présentés, dont un qui est allé à Bujumbura pour chercher le travail de domestique alors qu'elle était troisième dans sa classe. Ce test est constitué de deux disciplines, à savoir les mathématiques et le français. Au niveau provincial, les effectifs d'élèves inscrits pour passer ce test sont de 948, repartis sur 9 centres de passation selon la direction provinciale de l'enseignement en province Ngozi. De Fazi Mouloziza, directrice communale de l'enseignement en commune Ngozi, salue le fait que ce test a, pour cette année scolaire, été organisé au niveau communal, contrairement à celui de l'année passée qui avait été organisé au niveau provincial, ce qui avait causé le problème de déplacement pour certains élèves. Mais elle demande que pour cette année, les copies soient rendues disponibles aux élèves pour qu'ils puissent faire des réclamations. Depuis Ngozi, Robin Yomuru, Radio Isanganiro. Merci Aubin Niyongoro. Vous aurez compris que la ligne téléphonique Bujumbura Ngozi était mauvaise. Il est 13h01 à Bujumbura. Isanganiro. Le 30 août de chaque année, le monde commémore la journée dédiée aux disparitions forcées. Le parti RANAC indique que les disparitions forcées constituent une grave violation des droits de l'homme. Nikiza Georges, porte-parole de ce parti, affirme que ce crime est un indicateur d'un mauvais climat politique. Il appelle le gouvernement burundais à ratifier la Convention internationale des personnes disparues. La disparition forcée constitue une violation grave d'un ensemble des droits fondamentaux de la personne humaine. De la sorte, un pays au sein duquel le cas de disparition forcée involontaire sont souvent reportés, et c'est une évidence que dans son pays d'abord, un contexte de conflits internes, de violences et de crises humanitaires y règne à mettre. Le Burundi n'est pas épargné de cette tragédie, et compte tenu des rapports produits par les défenseurs des droits de l'homme. Et ainsi, nous comptons beaucoup de cas de disparition forcée. Des chiffres sont essentiellement connus grâce aux défenseurs des droits de l'homme qui avancent plus de 70 cas de disparition seulement en 2016, ce qui est évident. Plus de ces disparitions, il s'ajoute à d'autres cas de disparition qui ont été enregistrés dans les crises qui ont frappé le Burundi depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc, si nous analysons avec minutie les expériences macabres qui ont toujours suivi d'une manière cyclique les périodes entachées des cas de personnes disparues, se référera aussi au nombre de disparus qui ne cessent pas de s'accroître. On ne peut pas nier ce drame et ni abandonner une fois de plus les victimes de leur famille. De ce fait, le RANAC condamne toute tendance qui semble s'orienter vers ce qu'on peut qualifier de négationnisme et d'amnésie obligée de ce fléau. Nous saluons les efforts du gouvernement de faire revenir les Burundais qui ont fui le Burundi en 2015. Nous rappelons toutefois qu'en plus de ces messages, le meilleur moyen de rassurer le peuple burundais est de répondre au dialogue inclusif, de poursuivre en justice les auteurs de disparition forcée et les autres crimes qui sont assimilés, mais aussi dédommager et accompagner psychologiquement les familles des victimes. De tout ce qui précède, aux familles des victimes, il faut qu'ils maîtrisent la peur et osent prendre les responsabilités vis-à-vis de la tragédie qui a eu. Le gouvernement du Burundi, il faut ratifier d'abord la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et de diligenter des enquêtes qui visent à identifier les auteurs des différents crimes, y compris les disparitions forcées. De son côté, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la CNIDH, dans son récent rapport, indique que 20 cas de disparition forcée ont été enregistrés et que plus de 100 saisines d'enlèvement ont été déposées en 2017. Dans son rapport de mi-parcours publié au mois de juin, la Commission des Nations Unies chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme au Burundi rapporte que plus d'une centaine de Burundais ont été victimes de disparitions forcées. Un emprisonnement allant de 2 ans et demi à 5 ans, ainsi qu'une amende variant entre 50 000 et 100 000 francs burundais, telle est la condamnation prononcée contre 6 hommes de la commune Kawarore par le tribunal de grande instance de Kayanza ce mardi après-midi. Ces hommes avaient été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi avec 180 kg de café parche qu'ils allaient vendre au Rwanda. Les détails avec notre correspondant Apollinaire Muzagara. À savoir Gervais Nyandui et Audace Mpimana, ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Kayanza à 5 ans de prison et une amende de 100 000 francs pour chaque. Ils sont accusés d'achat et vente du café à l'étranger. 4 autres vont écoper une peine de 2 ans et demi ainsi qu'une amende de 50 000 chacun après la justation. Qu'ils travaillent pour le compte de ces 2 premiers. Les 6 ont été surpris sur la colline Muninya de la commune de Kabarore en province Kayanza avec 180 kg de café par qu'ils voulaient vendre au Rwanda. C'était dans la nuit de ce lundi à mars. tous non pas les accusations indiquant qu'ils ont été séduits par le prix offert au Rwanda, voire selon eux. Un kilo de saut café par chez coûte 800 francs rwandais, soit environ 2500 francs burundais, au moment où au Burundi, un kilo de saut café se vend en 1930 francs au paquet de Kayanza, avait requis à chacun des 6 hommes 5 ans de prison et une amende de 200 000 francs pour chaque. Donc à Yanza, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire, toujours dans les nouvelles de Provence. Les Batois de Mubuga en commune de Rugazi de la province de Bubanza ont refusé l'exécution d'un procès de litige foncier. C'était ce lundi. Suite aux échauffourées et aux soulèvements qui se sont observés, les juges ont préféré rebrousser chemin sans accomplir ce travail. Le président du tribunal de résidence de Rugazi met en garde ses Batois et précise que des cas de rébellion pareils sont sanctionnés par la loi. Spes Caritas Kawanyana pour les détails. C'était ce lundi, au moment où le juge du tribunal de résidence de Rugazi, accompagné par l'administration locale, se rendait à Mubuga pour l'exécution d'un procès de litige foncier entre un certain Nzabamema Frédéric et un Mutwa Dino Dominani. Arrivés sur les lieux, les Batois de cette localité se sont vite rassemblés avec l'intention d'empêcher le travail qui allait être réalisé, comme le disent les témoins sur place. Ils ont alors capturé leur cohabitant et Mutwa qui était du côté des juges, l'ont malmené et l'ont éloigné de cet endroit. Par après, ils ont continué à lancer des mots de menace, disant que le procès n'a pas été équitable. Après avoir vu que la situation qui prévalait n'était pas du tout apaisante, les juges n'avaient pas d'autre choix que de laisser ce travail et de rebrousser chemin, comme l'indique le président du tribunal de résidence de Rugazi. Bizimana Manasseh ajoute que des rébellions pareilles sont sanctionnées conformément à la loi et que cette exécution sera prochainement faite, que ceux qui se sentent lésés fassent appel dans d'autres instances judiciaires. À titre de rappel, une rébellion pareille a eu lieu dernièrement sur la colline Kizina en commune Gihanga, où la population a empêché l'exécution d'un procès de conflit foncier, un travail qui n'est pas encore réalisé jusqu'à aujourd'hui. Cette qualité de Kawanyana en commune Rugazi pour la radio Isanganiro. Merci Spes. On reste toujours dans la région pour vous dire que deux élus parmi les cinq qui dirigent la colline Gihanga Centre ont été démis de leurs fonctions ce mardi, comme ça se voit dans leur lettre de suspension signée par l'administrateur de la commune Gihanga. Manila Kizapaskazi et Shaki et Augustin sont accusés de n'avoir pas été à la hauteur de leurs fonctions, ce qu'ils nient catégoriquement et parlent d'une mesure injuste. Les commerçants du chef-lieu de la province Karoussi se réjouissent qu'ils viennent de se construire un marché moderne, mais regrettent que l'autorité communale n'a pas prévu la construction des latrines en même temps que se construisait ce marché. Les habitants des alentours se plaignent et craignent que les maladies des mains sales peuvent les attaquer avec l'arrivée des pluies d'ici peu. Blaise Pascal Kararoumi. C'est depuis le mois de juillet passé que les commerçants ont été sommés par l'autorité communale de rejoindre son marché du chef-lieu de la province Karoussi, presque une année après que ces commerçants et d'autres qui voulaient avoir des échoppes se construisaient et même ce marché qui est devenu plus ou moins moderne. Cependant, il n'y a aucune toilette dans son marché, alors que ces mêmes commerçants disent avoir payé plusieurs millions pour avoir des parcelles dans son marché. Ils indiquent qu'il s'était convenu avec l'autorité communale de Wuhika qu'au moment où ces commerçants se construisaient les blocs des shops en l'exécution du plan que la commune les exigeait, la commune devrait s'occuper de la construction des latrines. Les marchands, les commerçants et les habitants des alentours déplorent l'insalubrité qui est autour de ce marché suite aux marchands qui vont se soulager dans les alentours du marché. Le conseil technique de l'administrateur communal qui est chargé du développement de la commune regrette que les fonds qui étaient alloués à la construction de ces latrines de ce marché ont été réaffectés lors de la révision budgétaire du mois de juin passé aux travaux de construction de l'écofo Shanga de cette même commune. Il tranquillise que les latrines seront construites avec le budget communal exercice 2018. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Et c'est un appel à l'aide que lance Néonyeshu Aïdon Aïlon, un enfant de 13 ans souffrant d'une maladie cardiaque. Selon son père, cela fait 2 ans qu'on a appris que cet enfant a cette maladie. Les médecins locaux ont essayé de le soigner, mais en vain. Et pour que cet enfant guérisse, il doit être conduit à Khartoum, dans la capitale soudanaise, là où se trouvent des médecins bienfaiteurs d'origine italienne ayant promis de le soigner. Mais son père fait savoir que sa famille n'a pas de moyens pour y aller, raison pour laquelle il demande à toute âme charitable de bien vouloir l'aider. Les détails avec Didier Nyonzima. Ce petit garçon, c'est Aidon Ayron Nyonyishu qui habite à Ruziba, dans la zone Kanyosha, mairie de Bujumbura. Cela fait des ans qu'il a maladie cardiaque le mine, au point qu'il ne peut effectuer aucune activité qui requiert de la force. Je ne peux pas faire quelque chose qui demande de la force. Quelquefois, quand je me sens mal, je m'assois pour me reposer. Son père, Pascal Nzeimana, indique qu'il y a des médecins italiens basés à Khartoum qui ont promis de soigner son enfant une fois qu'il est amené à Khartoum au Soudan, mais que le voyage requiert 2 millions de francs burundais, une somme que la famille ne peut pas se procurer. Les médecins disent que les valves sont ouvertes. Ils nécessitent une opération. Les médecins bienfaiteurs italiens ont accepté de l'opérer à Khartoum. Mais nous n'avons pas de passeport, mais aussi les moyens. Nous avons besoin d'une somme de 2 millions environ. Le père d'Aidon Ayron fait savoir que cet enfant a été placé sur une liste d'attente urgente des patients qu'il faut soigner à cause de son état critique. Ainsi, il demande à tout bienfaiteur de bien vouloir intervenir. Un autre problème. Il est sur la liste de ceux qui nécessitent une opération d'urgence. Nous demandons aux bienfaiteurs de nous aider pour que notre enfant puisse guérir. Le petit Aidon Ayron Nyonyishu lui-même demande une aide. Je demande une contribution pour être soigné. Actuellement, cet enfant prend des médicaments étant à la maison. Celle ou celui qui voudrait aider peut joindre sa famille au téléphone sur 79 997 125 ou sur 69 100 055. À la source, reportage. Les activités de collecte de déposition des victimes et des témoins des atrocités qui ont caractérisé les différentes crises que le Burundi a connues ont pris fin ce lundi dans la province de Mwaro. Le commissaire de la commission Vérité et Réconciliation, Clotilde Bizimana, indique que la collecte de déposition se fait en même temps que l'identification des fosses communes où les victimes de ces crises ont été enterrées. C'est un reportage signé Joseph Sabiyamanti. Nous sommes sur la colline Nyamiyaga de la zone commune Gisozi en province de Mwaro. Sur cette colline, 4 fosses communes ont été identifiées. Nous avons creusé là-bas, mais nous n'avons rien trouvé. C'est ici que nous avons trouvé le crâne et les habits qu'il portait. On dirait que dans le temps, on fabriquait des habits qui avaient une très grande résistance. Jean-Claude Niyungeko, président de la CVR en province Mwaro, indique que avant de sillonner les collines pour identifier les fosses communes, le premier travail se fait au niveau des zones où sont basés les agents de la collecte des dépositions. Nous avons les fiches de déposition sur lesquelles nous devons mentionner tout ce que le déposant nous suggère, nous dit. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons pouvoir détecter si l'individu en question a manqué son membre de famille, a manqué ses biens, le bien matériel surtout. Et après, nous pouvons lui demander si effectivement il sait où se trouvent des fosses communes. Et à ce moment-là, nous pouvons décider effectivement d'aller sur le terrain pour pouvoir constater si réellement ces fosses communes existent. Le commissaire Clotilde Bizimana, un des 11 commissaires de la CVR, rassure les personnes qui ont peur des activités de la commission que celle-ci n'a pas l'objectif d'inciter à la vengeance, mais plutôt, précise-t-elle, que la CVR recherche la vérité afin de réconcilier les Burundais. La même opération de requête de déposition va se poursuivre dans d'autres provinces. Et cette activité, cette opération, se fait parallèlement à l'identification des fosses communes. Et après cette étape, il y a d'autres étapes, notamment les enquêtes, les investigations, l'enterrement digne de ces victimes en concertation avec leurs familles. Nous demandons à la population, notamment, à révéler ce qu'elle connaît et à coopérer jusqu'à la fin.